Mon cœur va mal, je porte du sang, frère, je suis du père. J'ai dû faire un tas de conneries pour que les putes chaises. La vie elle faut sa vie, alors je me tiens à la vitesse. Mon vie sera tout pour moi, il me sera putain et pas punaise. Un peu sur la dalpée, prêt à calquer. J'esquive les abos, marque, bref, feu, cané. On vit qu'une fois, certes, fuck, j'ai qu'un cœur. Souris bien sur ta carte, on morceaux dans ton cercle. Seul le fond de la classe, règle de mémorise. Dites de prof qui les promet la classe, on tous finit ce tease. J'ai pas la plume, j'ai pris mon stylo. Quatre couleurs, un tas de couteaux dans le dos, mais bizarrement, je ressens aucune douleur. Je me conseille tout seul, dans ma tombe, je serai tout seul. Si la mort t'a qu'à ma part, ben j'irai répondre tout seul. Quand la haine m'a convoqué, j'étais tout seul. Mon parcours, c'est moi qui l'ai tracé, j'ai fait tout seul. Seul tous face à tout, j'ai pas le temps d'écouter les jaloux. Je manque de flux et me parle pas d'amour. De larmes que je vais goûter, le choix je l'ai fait au pire, donc je préfère rester tout seul. Seul, seul tous face à tout, j'ai pas le temps d'écouter les jaloux. Je manque de flux et me parle pas d'amour. De larmes que je vais goûter, le choix je l'ai fait au pire, donc je préfère rester tout seul. Seul. Je pense souvent à l'époque, maman versait moi de l'âme. Je rentrais tous les samedis, je restais pas près des battes. Maintenant les temps ont changé, même si j'ai rien, je t'invite à manger. Un petit con, tant de fumée, gavage, j'invite à me manger. À cette pige, je suis violent, je voulais tout faire comme les grands. Mettre la cagoule et les gants, mes voisins voient moins élégants. Mais je n'ai rien à foutre, à vrai dire, comment je dois battre les couilles. On descendait même chez l'ennemi, on comptait pas les coups. Avec les mecs d'en bas, c'est tendu, c'est la loi de la rue. Combien de familles sont en deuil, combien de frères en cellule. Gros, j'ai rien dans les poches, je peux pas louper ma cible. Des comptes à rendre à personne, faut pas écouter ton avis. Je me suis fait tout seul, dans ma tombe, je serai tout seul. Si la mort t'a ma porte, bah j'irai répondre tout seul. Quand la haine m'a convoqué, j'étais tout seul. Mon parcours, c'est moi qui l'ai tracé, je l'ai fait tout seul. Seul tous face à tout, j'ai pas le temps d'écouter les jaloux. Je manque de flux et me parle pas d'amour. De larmes que je vais goûter, le choix je l'ai fait au pire, donc je préfère rester tout seul. Seul, seul tous face à tout, j'ai pas le temps d'écouter les jaloux. Je manque de flux et me parle pas d'amour. De larmes que je vais goûter, le choix je l'ai fait au pire, donc je préfère rester tout seul. Seul. Pas le temps d'écouter les jaloux, je manque de flux et me parle pas d'amour. De larmes que je vais goûter, le choix je l'ai fait au pire, donc je préfère rester tout seul. Seul, seul tous face à tout, j'ai pas le temps d'écouter les jaloux, je manque de flux et me parle pas d'amour. De larmes que je vais goûter, le choix je l'ai fait au pire, donc je préfère rester tout seul. Seul.